Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 90. Des parties de la pénitence en général. Que, ces parties sont la contrition, la confession et la satisfaction. 1. La pénitence a-t-elle des parties? Les parties constituent l'intégrité d'une chose. Or, nous avons reconnu que les actes humains servent de matière au sacrement de pénitence. Nous ferons voir plus loin que ces actes sont au nombre de 3, la contrition, la confession et la satisfaction. Donc le sacrement de pénitence a des parties. Note. La pénitence, considérée comme vertu, n'a pas proprement de parties. Les actes qui l'accompagnent sont ses effets plutôt que ses parties. Ce n'est que comme sacrement qu'elle a pour partie les actes humains, qui sont ses matières prochaines. Fin de la note. 2. La contrition, la confession et la satisfaction doivent-elles être assignées comme partie de la pénitence? Ces 3 actes sont la matière prochaine du sacrement de pénitence. Et l'absolution du prêtre en est la forme. Comme il ne s'agit pas seulement, dans ce sacrement, de rétablir l'égalité de la justice, mais qu'il faut surtout y regagner l'amitié de Dieu, qui a été offensé, la réparation de l'offense doit être opérée par le pécheur selon la volonté divine, à laquelle il est nécessaire de se conformer. Le pénitent doit donc, premièrement, former la résolution de réparer l'offense de Dieu, et c'est ce qu'il fait dans la contrition. Secondement, se soumettre au jugement du prêtre qui tient la place de Dieu, ce qu'il fait par la confession. Troisièmement, réparer ses fautes selon les décisions du ministre de Dieu, d'où la satisfaction. Il est manifeste par là que la contrition, la confession et la satisfaction doivent être assignées comme partie du sacrement de pénitence. Note. Quoique la contrition soit intérieure de sa nature, elle peut néanmoins servir de matière au sacrement par les actes extérieurs qu'elle produit, et surtout en ce qu'elle implique le propos de se confesser et de satisfaire. Fin de la note. 3. La contrition, la confession et la satisfaction sont-elles des parties intégrantes de la pénitence? Ces 3 actes n'en sont ni des parties subjectives, ni des parties potentielles, ils en sont des parties intégrantes. Et, en effet, ils concourent à constituer l'intégrité du sacrement sans en renfermer toute la vertu. 4. Divise-t-on bien la pénitence en pénitence avant le baptême, en pénitence des péchés mortels, et en pénitence des péchés véniels? Cette division, proposée par saint Augustin, est fondée en raison, car rien n'empêche de distinguer, dans la pénitence considérée comme vertu, 3 espèces qui correspondent aux 3 changements de vie que le pénitent peut se proposer. A-t-il l'intention de renaître à une vie nouvelle par la régénération spirituelle? C'est la pénitence avant le baptême. Veut-il réformer une vie que le péché a corrompue? C'est la pénitence des péchés mortels. Forme-t-il le dessein de s'avancer dans les voies de la vie spirituelle? C'est la pénitence des péchés véniels, que les actes de charité peuvent effacer. Fin de la 3e partie, que saint Thomas n'a pas achevée. Saint Thomas d'Aquin n'a jamais terminé sa somme de théologie. Surpris par une apparition du Christ alors qu'il célébrait la messe, le 6 décembre 1273, fête de saint Nicolas, dans la chapelle dédiée à ce saint au couvent de Naples, il n'a jamais voulu reprendre sa dictée. Le supplément n'est donc pas directement de lui, il est une compilation effectuée après sa mort par son secrétaire particulier, Frère Réginald de Piperno, à partir d'œuvres antérieures du maître. Markem d'anarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.